La chronique bien-être. Bonjour et merci à tous de nous retrouver dans la chronique bien-être sur Radioactive. Dans ce nouveau numéro, on mêle le souffle, la posture et le dépassement de soi. Antoine Joulin, notre sophrologue attitré, est allé tendre le micro à Bruno Benoît, coach passionné du boxing club amboisien. Un échange punchy autour du sport, de la confiance et des bienfaits du mouvement pour le corps et l'esprit. On l'écoute tout de suite. Donc Bruno Benoît, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, etc. Bonjour, je m'appelle Bruno Benoît. Donc je suis moniteur de boxe française, savate forme, kickboxing. Et je suis sur Amboise depuis maintenant 30 ans. Je suis au sein du boxing club amboisien. Nous pratiquons la boxe française deux fois par semaine, le kickboxing une fois par semaine. Nous pratiquons aussi... La petite sonnette de boxe pour, voilà. Pour nos auditeurs. Nous pratiquons aussi la boxe anglaise le samedi après-midi et du cross-training le vendredi soir. Surtout, c'est pour du renfort musculaire qui est beaucoup apprécié par les femmes. On a plus d'une vingtaine d'adhérentes en cross-training. Voilà. Ensuite, je me suis dirigé vers les problèmes de certaines pathologies en ALD car il y avait de plus en plus de personnes qui venaient nous voir d'un certain âge, de certains problèmes maladies ou psychologiques, voilà, et qui étaient en ALD et qui demandaient, ils sont demandeurs en fait de se défouler ou de pratiquer une activité lambda comme tout le monde. Alors tu nous as expliqué plusieurs modules, la boxe anglaise, boxe française, kickboxing, et il y a un module en plus justement que tu encadres, c'est donc le module sport santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On a eu deux de tes adhérents tout à l'heure. Est-ce que toi, en tant que moniteur, tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ce module? Donc, il y a deux ans maintenant, on a fait une formation sur l'ALD, donc ça englobe toute pathologie. Et j'avais surtout pour souhait de faire des sessions deux fois par semaine pour des personnes qui étaient soit en burn-out ou fragilité psychologique. Je me suis un peu plus orienté là-dessus, je me suis beaucoup documenté pour savoir encadrer ces personnes. C'est particulier, enfin, toutes pathologies sont particulières. Donc je me suis beaucoup renseigné sur ces pathologies qui m'intéressaient. Suite à ça, sur Amboise, il y a la CPTS, justement, qui ont des personnes qui ont ces pathologies-là. Et comme par hasard, qui m'ont contacté pour me demander si j'étais intéressé pour intervenir auprès de ces personnes-là. Donc j'ai dit pourquoi pas, allez, on est parti. Donc ça fait deux ans que j'encadre... des personnes. Alors l'année dernière, c'était la première année, il y a eu 10 personnes qui venaient, donc c'était aléatoire, hein. C'est des personnes psychologiquement un peu fragiles, donc voilà. Et cette année, il y a, donc sur le premier module, il y a 6 personnes, c'est toute pathologie, ça peut être obésité, problème de motricité, voilà, qui sont surtout le mercredi. Et le vendredi, nous avons 10 personnes qui sont pour surtout la fragilité psychologique, d'accord. Voilà, ou burn-out. C'est toujours pareil, c'est des personnes, ils viennent pas. Quand ils sont là, il faut savoir les mettre en confiance. C'est même un travail sur soi-même. En fait, en tant que coach, on est deux pour encadrer. Il y a moi et Manu, parce qu'il y a des fois, quand il y a 5-6 personnes qui viennent, il y a des fois, il y a des personnes, on le ressent maintenant. Il faut voir que ces personnes-là, elles ont besoin de se mettre de côté, soit de crier, soit de pleurer, soit de parler. Donc il faut être deux pour cette activité-là, surtout cette activité-là. Est-ce que tu dirais qu'il y a une reprise de confiance en soi par le physique, en fait, par l'activité physique? Alors oui, parce qu'en fait, on a un langage. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas confrontées à d'autres personnes. La seule personne avec qui elles sont confrontées, c'est avec moi. Et je suis simplement là comme éponge. Donc elles peuvent se défouler sur moi, ou sinon elles ont à défouloir, c'est les sacs. Donc j'ai mis en place une petite stratégie. Le sac, c'est une éponge, c'est un prénom, c'est un nom, c'est une chose. Ça peut être une chose qui s'est passée, ça peut être une date. Et le sac, il est là pour l'absorber. Profitez-en. Et les gens, ils se défoulent. Alors généralement, au début du cours, les personnes, ils arrivent, ils ont l'air un peu fatigués, tristes, voilà, moroses. Quand ils repartent, ils ont un peu plus de sourire. Et on a remarqué qu'au bout de quelques mois, ça va assez vite, au bout de quelques mois, les personnes, ils arrivent avec le sourire et ils ont envie de se défouler, en fait. Ils ont trouvé leur truc, ils ont trouvé leur défouloir, en fait. C'est leur petite heure de défouloir, ça leur fait du bien. On a aussi des personnes en surcharge pondérale le mercredi, on leur fait faire des choses, ils ne croyaient pas être capables de les faire. Un exemple, jumping jack. Mmh. Ils étaient incapables de faire jumping jack. Mais il y a des jumping jack qui sont adaptables à des personnes obèses. Jumping jack, enchaînement de points rapide, c'est ça. Voilà. Et il y a aussi des pompes. Oh non, on n'est pas capable de faire des pompes. Bah si, maintenant ils sont capables de faire des pompes, ils se mettent le long d'un mur, ils reculent un petit peu les jambes, ils plient les bras et ça fait des pompes. Et ça, ça leur donne une confiance. Une très bonne confiance. Oui, du coup, ça leur booste leur physique et le physique rebooste sa confiance et en fait, on commence à être dans un cercle vertueux. C'est super. Bruno, du coup, tu nous as aussi parlé d'un nouveau petit projet, là, le Buggy Pump, si je le dis bien. Voilà, c'est ça. Donc, c'est quoi le principe? Alors, le principe, en fait, ils sont inspirés de la marche nordique. C'est des bâtons qui sont sur, on va dire, des petits ressorts. Ils sont souples. On appuie dessus et ils s'enfoncent un petit peu. Donc, ça fait travailler beaucoup plus le haut du corps que la marche nordique. C'est conseillé pour les personnes, par exemple, les personnes qui ont le cancer du sein, ils ont besoin de se renforcer l'épaule du côté qu'ils ont eu le cancer du sein. Et c'est une activité qui est conseillée pour ces personnes-là, car en fait, c'est un renforcement musculaire très doux, très souple. Les personnes ne s'en rendent pas compte, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas la rigidité du bâton, en fait. C'est très intéressant pour eux, pour ces personnes-là. Et donc, cette activité-là, je l'ai découverte quand j'ai fait ma formation de marche nordique. J'ai fait une formation de marche nordique et à côté, il y avait une formation de buggy pump. Et j'avais jamais entendu parler ça. J'étais curieux, j'ai été voir. Je suis resté 5 minutes avec eux. Et du coup, eh ben, je me suis dit, tiens, je vais faire cette formation-là aussi. Adopté. Donc, j'ai enchaîné, il y a maintenant 6 mois, j'ai fait la formation Buggy Pump. D'accord. Et donc là, je me suis équipé de matériel. Bon, en sachant que, évidemment, la paire de bâtons est un petit peu onéreuse par rapport à des bâtons de marche nordique. Pour ceux qui veulent faire des dons. Voilà. Mais bon, on s'est équipé pour. Et donc, nous allons faire une activité qui est organisée par la ville d'Amboise très prochainement. Voilà. Et pour faire découvrir cette activité-là. Et ensuite, à partir du mois de septembre, ça va être intégré avec le club, Boxing Club Amboisien. Il y aura des sorties très régulières. En sachant que ces bâtons, ils sont intéressants car on peut faire du renforcement musculaire avec. C'est-à-dire qu'on peut marcher 5 minutes, faire des squats avec les bâtons. Ça fait une résistance supplémentaire. On peut travailler les épaules en écrasant les bâtons. Ça fait une résistance supplémentaire. On peut remarcher 5 minutes. On peut courir avec. Ça donne une impulsion supplémentaire. On peut faire une multitude de choses. Super. Et je voudrais parler un petit peu du club, juste avant pour finir. Donc le club Boxing Club Amboisien, c'est pas que toi Bruno. T'as aussi donc des personnes qui encadrent avec toi. Tu nous es Manu, donc Manuel Arrido, c'est ça? Voilà, donc alors sans ces personnes-là, ça pourrait pas fonctionner. Je pourrais pas faire tout seul, donc je remercie beaucoup ces personnes-là. Il y a Manuela qui est là, présente quasiment autant que moi. Heureusement qu'elle est là. C'est mon bras droit. Il y a aussi Jean-Marie qui est là régulièrement aussi. Heureusement qu'il est là lui aussi. Nous avons aussi Émilie qui est là un mois sur deux. Bon, professionnellement, bon, évidemment, elle est là un mois sur deux. Parce qu'il faut dire que vous êtes tous bénévoles en plus. Voilà, on est tous bénévoles. Nous avons aussi Mickaël. Donc lui, il est artisan en plus dans la pâtisserie. Donc c'est pas évident pour lui. Mais il trouve des créneaux pour pouvoir venir. Donc on est 5, 6 à encadrer l'association. Et sans ces personnes-là, ça ne pourrait pas fonctionner. Car nous sommes à peu près, alors là en adhérent, on est 125 je crois cette année. Vous êtes 125 adhérents et je crois en plus en ayant un peu cherché partout que vous faites partie d'un des clubs les moins chers à l'année. Je crois que l'année c'est combien, tu peux nous redire? Alors pour les adultes c'est 115 € tout compris pour l'année. Et de 10 ans à 12 ans, c'est 90 € en fait. Voilà, pour les jeunes, c'est 90 €. Pour les adultes, c'est 130 €. Tout compris pour l'année. Ok, super. En tout cas, on voit les gens rentrer petit à petit. Ils ont tous le sourire, même si dans pas longtemps, ils vont, ils vont tous se taper dessus gentiment dans la séance de kickboxing qu'on suivra, nous, mais pas avec nos auditeurs. Et tu voulais rajouter quelque chose, Bruno, sur le club, justement, un peu l'ambiance que toi, tu y trouves? Voilà, donc on a réussi à faire venir la jambe féminine. C'est pas commun hein, sur la boxe française, le kickboxing. Dans le département, d'ailleurs, on est un des seuls le mieux pourvu, on va dire, en jambes féminines. Car depuis plus de 5 ans, nous avons quasiment 50% de jeunes filles de tout âge, deux mères qui viennent avec leurs enfants. C'est une association familiale, donc c'est dans la bonne humeur, familiale, il y en a qui viennent en famille, mais il y a toujours un petit peu de rigueur qui est normal, il y a du respect à faire... À faire respecter. Voilà. Et tout ça est payant encore. Nous avons depuis quelques années des résultats. Nous avons eu un boxeur en boxe française qui a fini 3e au championnat de France. Nous avons cette année Séverine qui a fini championne de France en kickboxing. Et nous n'avons pas fini. À la fin de l'année, nous avons encore la Coupe de France en kickboxing. Wow. Il va y avoir 3 personnes d'inscrits, dont Manuela, Grégory, James. Et tout ça dans notre bonne ville d'Amboise. Dans notre bonne ville d'Amboise et en boxe française, Coupe de France aussi, qui là, il va y avoir que Manu. Bah, on va dire qu'on a que des bons résultats. Les interclubs, là, le dernier interclub, ils étaient 5 à participer. On a eu 4 victoires plus le meilleur assaut féminin. Donc, le club se porte bien. Voilà. Et bah, c'est génial. J'ai eu la chance, moi, de participer il y a quelques années en tant qu'adhérent. Après, en tant que bénévole, très rapidement. Et effectivement, si vous voulez venir, c'est un club très, très familial, avec beaucoup de respect, beaucoup d'humour aussi, et d'amitié. Et nous pouvons retrouver toutes les informations sur le Boxing Club Amboisien, sur Facebook, Boxing Club Amboisien, sur Instagram, et aussi sur la page de la ville d'Amboise. Et sur ce, je vous souhaite une bonne chronique, et à bientôt les amis. La chronique bien-être.